Chapitre 30. Le cri. Au dehors, le soleil se métamorphosait à vue d'œil. Il avait passé la nuit à flotter au ras du paysage sans jamais basculer sous l'horizon, rétréci comme une flamme de bougie, répandant une couleur crépusculaire sur les rochers et les eaux des fjords. À présent, il s'élevait lentement au-dessus de la forêt boréale, plus éclatant qu'un flambeau olympique. Ophélie n'eut pas un seul regard pour lui, recroquevillée sur un strapontin, le nez collé au vitrage de la cabine de pilotage, elle cherchait désespérément des yeux le sanatorium, comme si cela pouvait aider le dirigeable à s'en approcher plus vite. Il était encore trop tôt pour l'apercevoir. Il venait à peine de décoller, et à cet instant le pilote manœuvrait lentement au-dessus des sables d'Opale, de façon à contourner la citatielle et à prendre la direction du nord. Coincé entre Thorn et le baron Melchior, Ophélie avait des crampes dans tout le corps à force de se contracter. L'accouchement de Bérénilde s'annonçait difficile, la vie d'Archibald ne tenait plus qu'à un fil et les miroirs s'étaient soudain refermés comme des portes. Elle avait l'impression que c'était toute la matière solide de son monde qui menaçait de voler en éclats d'une seconde à l'autre. Quand le dirigeable fut déstabilisé par un puissant vent d'ouest, Ophélie se cogna tour à tour au baron Melchior et à Thorn. Sa douleur au coude fut telle que des étoiles clignotèrent devant ses yeux. Le petit aérostat n'était pas destiné à accueillir autant de voyageurs. En parfait professionnel, les gendarmes s'activaient dans la cabine de pilotage comme s'ils se trouvaient à l'hôtel de police. La moitié d'entre eux passait en revue le matériel réquisitionné à la manufacture et l'autre moitié soumettait chaque artisan à un interrogatoire en règle. Pour une raison obscure, Thorn avait préféré emmener avec lui tout le personnel de la mère Île-de-Garde plutôt que de le confier aux gendarmes restés à la citatielle. Arrachés à l'univers familier de leur atelier, les vieux fabricants étaient déboussolés, mais ils firent preuve d'une remarquable cohérence dans leurs réponses. Aucun d'eux n'avait jamais rien relevé de suspect, ni chez la mère Île-de-Garde, ni chez leurs collègues. Embarqué avec les autres employés, Gaël se tenait accroupi dans un recoin de la cabine, les bras croisés autour des jambes, son œil bleu électrique lançant des éclairs furibonds sous la visière de sa casquette. Le nez couvert par son mouchoir de dentelle, le baron Melchior regarda tour à tour sa montre de poche, Ophélie, puis Thorn. Loin de moi l'intention de remettre en cause vos méthodes, mais êtes-vous bien certain que ce contretemps ne portera pas préjudice à l'enquête? Nous avons seulement jusqu'à minuit. Notre seule piste sérieuse est Madame Île-de-Garde et je doute fort que nous la trouvions dans la chambre d'une accouchée. Ophélie ne sut pas trop quoi répondre. Il lui semblait qu'elle serait incapable de réfléchir convenablement avant d'avoir vu Bérénilde et son bébé en bonne santé. Elle se tourna vers Thorn et comprit aussitôt qu'il ne répondrait pas non plus. Tordu comme un barbelé sur le strapontin voisin, son col de manteau relevé contre ses joues, il avait le regard enfoncé en lui-même. Un duvet de barbe commençait à lui ronger la figure. Il n'avait pas prononcé un mot depuis le décollage, et son pouce n'en finissait plus d'ouvrir et de refermer son couvercle de montre dans un tac-tac obsédant. Sa colère était, semble-t-il, complètement retombée, et avec elle, toute son énergie vitale. « Vous n'y arrivez toujours pas ?» demanda poliment le baron Melchior. Il venait de remarquer la façon dont Ophélie ne cessait de tapoter le petit miroir à deux faces qu'un artisan lui avait prêté. « Non, toujours pas. » « Mais, sauf votre respect, mademoiselle la grande liseuse familiale, » insista-t-il doucement, « êtes-vous au moins toujours capable de... eh bien, de lire ?» « J'ai vérifié, » marmonna Ophélie. « Je peux toujours lire. Je peux toujours animer. Mais pour une raison que je ne m'explique pas, je ne peux plus passer les miroirs. Chaque branche de pouvoir réclame une disposition d'esprit spécifique. J'ai perdu celle-là. » Et c'était précisément ce qui la tourmentait. « Passer les miroirs, lui avait dit une fois le grand-oncle, ça demande de s'affronter soi-même. Ceux qui se voilent la face... ceux qui se mentent à eux-mêmes, ceux qui se voient mieux qu'ils sont, ils pourront jamais. Depuis quand Ophélie avait-elle cessé d'être honnête? Le dirigeable entama enfin une manœuvre de descente et tous les voyageurs se renversèrent comme des dominos. Il fallut beaucoup de pieds écrasés et beaucoup de coudes dans les côtes avant que tout le monde pût évacuer la nacelle par la passerelle arrière. L'air frais du dehors, imprégné de sel et de résine, fit l'effet d'une claque bienfaisante à Ophélie. Cependant, quand elle posa les pieds sur la pelouse, sa robe ondulant sous le souffle des hélices, elle crut un instant que le pilote du dirigeable s'était trompé de destination. À la place des curistes étendus sur leurs chaises longues qu'elle avait croisées lors de sa dernière promenade dans le parc du sanatorium, elle ne voyait aujourd'hui que des mirages qui virevoltaient joyeusement entre les buffets de caviar et de vodka, portés par la musique entraînante d'un orchestre de bal. Averses de fleurs, ballets pyrotechniques, fontaines parfumées, une multitude d'illusions avaient été improvisées à travers tout le parc, à croire que c'était une véritable fête nuptiale qu'on célébrait. Sur une estrade digne d'une scène de théâtre, un commentateur décrivait tout ce qui se passait derrière les vitres rondes du sanatorium. « J'aperçois encore une infirmière !» résonna sa voix suave dans le microphone à charbon. « Elle s'approche d'une fenêtre au deuxième étage. Va-t-elle nous faire une annonce officielle ?»« Faux espoir, mesdames et messieurs les auditeurs, elle a rabattu les rideaux. Est-ce dans cette chambre que se trouve Madame Bérénilde? Prendrait-on autant de précautions si l'accouchement se déroulait normalement ?» Quel suspense intenable! Mais quel suspense! Restez près de votre poste, mesdames et messieurs les auditeurs. Petit Potin sera comme toujours vos yeux et vos oreilles. Que font tous ces courtisans ici? S'étonna Ophélie. Les allées et venues hors de la citadelle ne sont-elles pas rigoureusement contrôlées? Ça nous a pris une heure pour obtenir un sauf-conduit. Le baron Melchior lui signala, flottant dans le ciel, un aérostat à coque dorée qui avait été amarré au toit de l'horloge. D'abord aveuglée par la réverbération du soleil sur cette orfèvrerie volante, Ophélie finit par reconnaître les armoiries familiales, farouque en personne, était sur place. Et moi qui croyais qu'il ne se souciait pas de cet enfant. Un père reste un père, philosopha le baron, en particulier un esprit de famille. Thorne promena un regard morne sur la fête. Procédez à la confiscation immédiate de tous les sabliers en circulation ici, ordonna-t-il aux gendarmes. Ne fournissez aucune explication. Deux d'entre vous restent avec moi pour escorter les employés de Madame Hildegarde, quoi qu'il arrive. Vous êtes tous tenus au silence. L'enquête en cours doit rester confidentielle. Le premier qui contrevient à mes ordres partagera la cellule du chef d'atelier à l'hôtel de police. Gaël plongea les mains dans les poches de sa combinaison. Bref, on ouvre et enferme notre soupape selon votre bon plaisir. Thorne ne releva pas. Il fendit les tourbillons de danseurs et les illusions de fête comme une ombre se frayerait un passage dans un monde de lumière. Son cortège de vieillards ne passa pas inaperçu. Avec leur expression hébétée et leur tablier de travail, les artisans provoquèrent bien vite un mouvement d'hilarité à travers les jardins. Les rires se transformèrent toutefois en protestations quand les gendarmes circulèrent parmi les mirages pour saisir leurs sabliers. « Simple mesure de contrôle, mesdames et messieurs » répétait-il avec une courtoisie toute professionnelle. Thorne ne fit l'honneur d'un regard à personne, ni aux ministres qui vinrent à sa rencontre d'un petit pas furieux, ni aux domestiques qui lui proposèrent des illusions gustatives, ni aux photographes qui se précipitèrent sur lui dans un crépitement de magnésium. Essayant de se faire le plus petite possible sous ses trois tours d'écharpe, Ophélie talonnait Thorne de près. Elle constata, non sans une certaine inquiétude, qu'il se voûtait à vue d'œil. Elle avait beau le trouver parfois imbuvable, elle regrettait un peu les paroles qu'elle lui avait jetées à la figure sous le coup de la colère. C'était tombé au mauvais moment. Ophélie remarqua parmi les valseurs quelques diplomates de la toile et leurs épouses. Ils titubaient plus qu'ils ne dansaient, mais leur somnolence était le signe qu'Archibald continuait de se raccrocher à la vie quelque part dans un mystérieux entre-deux. Ophélie profita du climat de confusion qui régnait sur les pelouses du sanatorium pour se rapprocher de Gaël. « N'avez-vous aucune idée de l'endroit où pourrait se trouver Madame Hildegarde? Je ne l'accuse de rien, mais ce qu'elle sait pourrait vraiment nous aider ?» La nihiliste se moucha le nez dans sa manche. Avec sa dégaine d'ouvrier et son regard dédaigneux, il était difficile de la croire noble elle-même. « Je te l'ai déjà dit une fois, » chuchota-t-elle. « Pourquoi appelle-t-on Hildegarde la mère? Parce qu'elle n'abandonne jamais ses enfants. » Ophélie ne comprit rien à cette réponse. Elle voulut insister, mais sa voix fut recouverte par celle de Petit Potin. « Les paris sont ouverts, mesdames et messieurs les auditeurs. Quelles seront les facultés de l'enfant à naître? héritera-t-il exclusivement des griffes maternelles? Développera-t-il une nouvelle variante de pouvoir familial? Avec les descendances directes, tout est absolument imaginable. Oh, mais attendez! S'exclama soudain le commentateur en faisant cracher son microphone. Qui vois-je, caché dans l'ombre de monsieur notre intendant? N'est-ce pas la grande liseuse familiale qui nous honore de sa présence? En un instant, les journalistes qui harcelaient Thorne se ruèrent sur Ophélie et l'encerclèrent en l'assaillant de questions sur l'affaire des disparus. Elle ne serait jamais parvenue à s'en dépêtrer si le baron Melchior n'avait détourné l'attention générale sur lui. En tant qu'adjoint de la grande liseuse familiale, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, intervint-il d'une voix grandiloquente tandis que sa canne poussait discrètement Ophélie en direction du sanatorium. Celles, en tout cas, qui ne compromettront pas l'enquête en cours. Je vous écoute, messieurs. Ophélie se fondit parmi les employés de la mère Hildegarde et franchit hâtivement le perron avec eux. Dès que Thorne referma les lourds battants de la porte, la musique de bal et les commérages de petits potins se firent aussi lointains que le vent qui soufflait dans les conifères. Le sanatorium était peut-être un monde de carrelages, de vitrages et de colonnades. Ses parois épaisses protégeaient les curistes de toutes les agressions extérieures. La préposée à l'accueil, qui était occupée à télégraphier, retira ses écouteurs radiophoniques, enfila sa coiffe blanche et surgit de derrière son comptoir en faisant claquer sévèrement ses sabots. « Je répète que vous ne pouvez pas entrer !» chuchota-t-elle. « Nos patients ont besoin de calme. Seuls les proches ont l'autorisation de visiter. »« Oh, c'est vous !» se tranquillisa-t-elle en reconnaissant Thorne. « Monsieur l'intendant ne nous a pas habitués à venir avec autant de compagnie. »« Où est ma tante ?»« Madame Bérénilde est en plein travail. Tout de même, » dit la préposée avec un regard déconcerté pour les vieux artisans qui avaient envahi son hall. Ça fait beaucoup de visiteurs pour un établissement de santé. Est-ce que vous ne pourriez... Ces gens-là sont les témoins d'une affaire importante. La coupa Thorne. Je ne veux pas les laisser dans la nature. Placés sous la vigilance de deux gendarmes, les artisans contemplaient passivement les luxueuses étendues blanches du sanatorium. Depuis que leur chef d'atelier avait été placé en état d'arrestation, ils semblaient incapables de la moindre initiative. Seul Gaël ne put contenir sa hargne plus longtemps et cracha sur les carreaux blancs. « Appelons un boulon, un boulon. Nous sommes vos otages, pas vos témoins. »« Je vous interdis de crier ici !» s'indigna la préposée à voix basse. « Et si vous crachez encore, je vous lave la bouche avec du détergent. »« Où est ma tante ?» redemanda Thorne, imperturbable. « Vous ne pouvez pas la voir pour le moment, monsieur l'intendant. » Je vous propose de patienter dans la salle d'attente. Ah non, se reprit la préposée avec un soupir. Elle vient d'être entièrement réaménagée pour accueillir le seigneur Farouk. Voyez-vous, nous ne nous étions pas préparés à ce qu'il rende personnellement visite à madame Bérénilde. Comment va-t-elle? L'interrompit Ophélie. Je ne saurais vous dire, mademoiselle. Je ne suis pas dans sa chambre, comme vous pouvez le constater. Mais moi, est-ce que je peux la voir? Je suis la marraine du bébé. Ce fut en prononçant ces mots qu'Ophélie prit conscience qu'elle avait décidé d'accepter cette responsabilité. S'il y avait un avenir pour lequel elle était prête à s'engager, c'était bien celui-là. « Êtes-vous mariée ?»« Pardon ?» s'étonna Ophélie. « Eh bien, pas encore. » « Dans ce cas, non, vous ne pouvez pas la voir. Notre règlement intérieur est formel. Les hommes et les jeunes filles n'ont pas le droit d'assister aux accouchements. » Le seigneur Farouk, ici, vous rendez-vous compte? Reprit la préposée comme si elle n'avait pas été interrompue. Nos infirmières sont en ébullition. Les curistes ont tous été confinés dans leurs chambres jusqu'à nouvel ordre. À ce sujet, murmura la préposée en portant une main à ses lèvres, permettez-moi de vous présenter toutes mes condoléances, monsieur l'intendant. Votre grand-mère s'est éteinte dans le courant de la nuit. Ses poumons, vous comprenez? Je sais que le moment est mal choisi, mais... Pourriez-vous nous aider à remplir certaines formalités, la déclaration de décès, l'organisation des funérailles, la convocation de votre notaire, toutes ces sortes de choses? Je ne vois mal les demander à madame Bérénilde dans l'état actuel, et puisque vous êtes le petit-fils... Où est ma tante? Quelque chose dans la voix de Thorne incita cette fois l'infirmière à lui répondre. À l'étage, dans le pavillon est, chambre 12. Les jambes d'Ophélie se mirent en mouvement toutes seules. Elle s'engagea dans l'escalier de droite et entendit par-dessus la réverbération acoustique de ses pas, la voix de Thorne résonner derrière elle. « Gardez les artisans dans le hall !» ordonna-t-il aux gendarmes. « Personne ne doit entrer dans le bâtiment ou en sortir sans que j'en sois averti !» L'escalier en colimaçon donnait inévitablement sur la rotonde de la salle d'attente. Aussi Ophélie et Thorne mirent-ils à profit la colonnade du péristyle pour la contourner sans être vue. Les grandes baies vitrées avaient toutes été calfeutrées, plongeant l'étage entier dans un doux clair obscur. Un gigantesque sofa de velours avait été installé où les favorites, étendues dans des poses langoureuses, sirotaient des becs de narguilé. La salle d'attente du sanatorium avait pris des allures de maison close. Ophélie n'eut aucun mal à trouver Farouk dans cette débauche de corps et de coussins. Il fixait, sans paraître le voir vraiment, un spectacle d'images animées qu'un projecteur d'illusion diffusait en boucle sur une toile. Perdu, le front plissé, il ne semblait pas avoir la plus petite idée de l'endroit où il se trouvait ni pourquoi il s'y trouvait. Et pourtant, songea Ophélie, il était là. En dépit de toutes ses négligences et de son épouvantable mémoire, son instinct lui avait dicté de venir jusqu'ici. Elle suivit Thorne le long du couloir qui desservait le pavillon est du sanatorium. Il leur fallut passer devant toute une procession de salles numérotées et de fenêtres rondes avant de trouver la chambre particulière de Bérénilde. La pancarte, sage-femme, femme mariée et veuve uniquement, avait été accrochée sur sa porte. Thorne s'empara d'une chaise de couloir et se posta près de l'entrée avec, de toute évidence, la ferme intention d'y rester. Incapable de s'asseoir, Ophélie se sentait si fébrile que son animisme aurait fait partir n'importe quel siège au triple galop. Elle appuya son oreille contre le battant et perçut, à travers l'épaisseur du bois, des exclamations énergiques. La voix de la tante Roseline dominait toutes les autres. « Respirez comme un soufflet. Ainsi, c'est bien. Continuez !» Le cœur battant, Ophélie retint son propre souffle pour mieux écouter. Pourquoi n'entendait-elle pas Bérénilde ? Elle lutta contre la tentation d'enfreindre le règlement. L'idée d'assister à un accouchement la terrifiait, mais elle trouvait pire encore de rester dans le couloir. Lorsque la porte se mit à trépider sur ses gonds, Ophélie dut se résigner à reculer. Tant que son animisme ne serait pas calmé, il lui faudrait éviter tout contact rapproché avec des objets. Et la dernière chose dont Bérénilde avait besoin présentement, c'était d'une gamine paniquée à son chevet. Ophélie fit les 100 pas dans le couloir, nettoya plusieurs fois ses lunettes, grignota ses coutures de gants, entr'ouvrit les rideaux du balcon pour regarder dehors et les referma dès que le commentateur de Petit Potin la pointa du doigt depuis l'estrade en criant dans son microphone provoquant une pétarade de flashs photographiques. Le carillon du sanatorium sonna 10 coups, puis 1, puis 11. Ophélie se demandait comment Thorne faisait pour rester calme. « Votre tante est rudement silencieuse, » lui dit-elle. L'intendant émergea du puits de ses pensées, puis acquiesça de façon presque imperceptible. « Elle ne crierait pas sous la torture. » Il se tenait courbé sur sa chaise, les coudes piqués dans les genoux, les pans de son manteau pendant comme des ailes de corbeau. C'était un spectacle vraiment rare de le voir ainsi, les traits allongés, sans un froncement de sourcils, ni une contorsion de bouche, ni une raideur de mâchoire. Seul l'acier de ses yeux luisait intensément sous des paupières noires d'insomniaque. Ophélie se rappela soudain la familiarité avec laquelle la préposée s'était adressée à lui. Thorne était déjà venu au sanatorium par le passé, et il était venu souvent. Quelque part dans les étages de cet établissement, à l'intérieur d'une chambre close, derrière un tatouage en forme de croix, il y avait sa mère, une femme qui l'avait rejetée comme une expérience ratée et à laquelle il restait lié malgré tout. Ophélie hésita. Existait-il une ramification quelconque entre la mémoire de la mère de Thorne, le livre de Farouk et les agissements criminels qui frappaient la citatielle? Elle fut tentée de profiter du relâchement de Thorne pour lui poser la question, mais elle finit par estimer que ce n'était pas la meilleure façon de se réconcilier avec lui. « Vous montez la garde ?» dit-elle à la place. « Vous pensez que Bérénilde est en danger ?»« En position de vulnérabilité. Si j'ai pu arriver jusqu'ici, n'importe qui d'autre pourrait en faire de même. La toile n'est actuellement plus en mesure de lui garantir une protection. » Ophélie le crut sans mal. Si la Valkyrie se trouvait dans le même état que les diplomates qui titubaient dehors, elle ne serait pas d'un grand secours en cas de tentative de meurtre. Et puis, Ophélie n'oubliait pas que l'amitié de la toile était tributaire de celle d'Archibald. « Il ne nous reste plus que 13 heures pour trouver l'ambassadeur, » dit-elle en massant nerveusement son bras. « J'ai l'impression que chaque seconde que je ne consacre pas à sa recherche est une forme d'abandon. » Ophélie contempla le long couloir, des portes peintes en blanc, des murs lambrissés en blanc, des sols carrelés en blanc, des fenêtres drapées en blanc. Elle trouvait cette monochromie silencieuse absolument glaçante. Sur Anima, quand une femme enfantait, l'atmosphère était différente. Les pièces fourmillaient de monde, les voisins venaient sans cesse aux nouvelles, les éléments du mobilier ne tenaient pas en place, le quartier entier était survolté. « Pourtant, » murmura Ophélie au bout d'un moment, « je ne peux m'empêcher de penser que notre place est ici. » Thorne détourna les yeux. Ce fut un simple mouvement oculaire sans qu'aucun muscle du corps fût sollicité, mais c'était comme s'il se tenait soudain assis à l'autre bout du couloir. « Je n'avais pas réalisé que vous étiez à ce point attachée à ma tante. » Ophélie faillit lui dire qu'elle avait eu la même pensée à son sujet. Thorne l'avait habituée à traiter Bérénilde en adulte capable de se protéger toute seule. Pourtant, il venait de suspendre une instruction et de sauter dans un dirigeable pour elle. « Vous auriez cependant tort de croire que nous compromettons l'enquête, » poursuivit Thorne. Nous n'avions aucune chance de retrouver Hildegarde dans l'enceinte de la Citaciel. Ici, tout est encore possible. La mère n'abandonne jamais ses enfants, répéta Ophélie qui comprit enfin ce que Gaël voulait lui dire. Les artisans, ce sont vraiment vos otages? Hildegarde n'aurait jamais quitté le pôle sans eux. Je suis convaincu qu'elle n'a pas franchi la rose des vents interfamiliales. Et qu'elle se trouve dans les environs. Elle sortira bientôt de son terrier, je n'ai plus qu'à attendre. Ophélie tordit les lèvres. Thorne et sa manie du singulier. Elle a une parfaite maîtrise de l'espace, lui rappela-t-elle. Ne pourrait-elle pas arracher elle-même ses employés à vos gendarmes, puis disparaître avec eux en un claquement de doigts? Hildegarde n'est pas moitié aussi puissante que vous pensez. L'appréhender est difficile. Mais ça n'a rien d'impossible. Thorne s'était exprimé avec un flegme détaché. Loin de ressentir le même calme, Ophélie se remit à marcher de long en large. Malgré sa nuit blanche, ou peut-être à cause d'elle, elle ne pouvait empêcher ses pensées de ricocher furieusement les unes contre les autres. Quand bien même Thorne trouverait la mère Hildegarde, quand bien même elle serait impliquée dans l'affaire des enlèvements, qu'est-ce qui leur garantissait qu'elle les aiderait? Et que ferait-il si elle ne pouvait pas les aider et si des gens continuaient de disparaître? Si l'auteur des lettres employait d'autres méthodes que les sabliers bleus? Après tout, le baron Melchior aurait été le prochain sur la liste si Archibald n'avait pas été piégé à sa place, sans même parler d'elle, Ophélie. À force de s'acharner dessus avec les dents, elle arracha une couture de son gant. Et pourquoi nom de nom ne parvenait-elle plus à traverser les miroirs? « Déboutonnez votre robe. » Ophélie suspendit ses pas et dévisagea Thorne. Les doigts entrecroisés devant lui, il l'observait impassiblement depuis sa chaise. Elle se demanda si elle avait bien entendu. « La manche suffira, » précisa Thorne d'une voix égale. « Vous semblez être gêné par votre bras, laissez-moi jeter un œil. » Ophélie défit les boutons de sa manche, puis la retroussa autant qu'elle le put. L'articulation de son coude avait presque doublé de volume et la peau avait pris une très vilaine coloration. Ophélie était accoutumée aux mauvais coups, mais elle ne s'était pas attendue à ce que ce fût aussi impressionnant. J'ai dû heurter la rampe en tombant dans l'escalier. Si le gendarme n'avait pas été là, je me serais rompu le cou. Thorne palpa son bras tuméfié. Pas de luxation, même partielle, marmonna-t-il entre ses dents. Arrivez-vous à tendre le bras? Difficilement. Ophélie ferma les yeux pour ne plus avoir à regarder les manipulations de Thorne. Peut-être était-ce à cause de la douleur ou de la faim, mais son estomac commençait à se contracter sur lui-même. Est-ce que Madame Vladislava nous escorte toujours? Non, répondit Thorne sans aucune hésitation. Elle m'a alerté quand vous avez été rappelé auprès de Farouk. mais elle n'a pas pu nous rejoindre à la Citatielle. J'ignore où elle est actuellement. Quand j'appuie, ça vous fait des élancements, des fourmillements ? Les deux. Ophélie garda les yeux résolument fermés. Elle espérait que Thorne en aurait bientôt fini. Son estomac lui propageait à présent des irradiations brûlantes dans tout le ventre. Je n'ai pas perdu l'équilibre dans cet escalier. J'ai été bousculée. Les doigts et la voix de Thorne se tendirent en même temps. Par un invisible ? Par quelqu'un que je n'ai pas vu en tout cas. Et vous non plus, apparemment. Je ne dis pas que c'était intentionnel, mais si ce n'était pas une maladresse de Madame Vladislava, je me pose des questions. L'auteur de la lettre m'avait formellement interdit de revenir à la cour, rappela-t-elle à mi-voix. Je lui ai désobéi. Ophélie eut une pensée fugace pour le chevalier. Cet enfant l'avait habitué à tant de mauvais tours qu'elle l'aurait cru tout à fait capable de menacer la vie des gens, y compris après avoir été mutilée et bannie. Mais ils avaient sûrement affaire à une personne dont les intentions étaient bien plus complexes. Les états familiaux se tiennent ce soir après minuit, déclara Thorne. Les invisibles n'auraient aucun intérêt à me provoquer alors que je défends leur dossier. Je sais. Ne changez rien à ce qui est prévu. Ophélie rouvrit les yeux quand elle sentit Thorne lâcher son bras. L'une des favorites venait de fausser compagnie à Farouk pour s'engager furtivement dans le couloir. Elle s'immobilisa à l'instant précis où elle aperçut Thorne et Ophélie. Surtout Thorne, en fait. Sans même chercher à cacher sa contrariété, elle fit aussitôt demi-tour dans un bruissement de diamants. « Voilà une qui n'a pas la conscience tranquille, » murmura Ophélie. « Vous aviez raison. Certaines personnes sont vraiment prêtes à profiter de la vulnérabilité de Bérénilde. » Thorne positionna l'avant-bras d'Ophélie en angle droit, à croire que rien de notable ne s'était passé. « Je ne pense pas à une fracture, mais dans le doute. » Gardez l'articulation pliée ainsi et évitez de lui faire porter le poids du bras. Ophélie reboutonna malaisément sa manche. Elle préféra ne pas demander à Thorne d'où lui venaient ses aptitudes médicales. De toute façon, il s'était de nouveau voûté sur sa chaise. Même s'il n'en disait rien, Ophélie voyait bien qu'elle l'avait ébranlé en lui révélant ce qui s'était vraiment passé dans l'escalier de la manufacture. Elle donna une pichenette à son écharpe qui déroula paresseusement ses anneaux, glissa de son épaule et vint lui soutenir le bras à la façon d'une bandoulière. Ophélie dut reconnaître qu'elle avait beaucoup moins mal ainsi. Pourtant, son estomac continuait d'agoniser quelque part au fond de son ventre. « Thorne, au sujet de ce que je vous ai dit tout à l'heure... » Elle s'arrêta d'elle-même. Thorne n'avait remué ni un sourcil, ni un trait, ni une cicatrice. Mais ses yeux, à eux seuls, avaient suffi à la couper en plein élan. Je suis responsable de vous, et je suis loin de m'être montré à la hauteur. Vous avez eu raison sur toute la ligne. Alors, n'en parlons plus. Vous m'aviez poussé à bout. Je voudrais surtout comprendre ce qui vous a à ce point contrarié. Vous voudriez comprendre ce qui m'a contrarié. Thorne avait lentement répété ces mots, son accent faisant grincer chaque air comme des rouages d'horlogerie. Il s'accorda un moment de réflexion, paraissant rechercher la meilleure manière de formuler sa réponse. À la surprise d'Ophélie, il finit par sortir un jeu de dés d'une poche intérieure de son manteau. C'étaient des dés de belle facture, très différents de ceux que le demi-frère de Thorne avait sculptés quand ils étaient enfants, mais Ophélie ne put s'empêcher de faire le rapprochement. « Je ne crois ni en la chance, ni au destin, » déclara-t-il. « Je ne me fie qu'à la science des probabilités. » J'ai étudié les statistiques mathématiques, les analyses combinatoires, la fonction de masse, les variables aléatoires, et elles ne m'ont jamais réservé de surprise. Vous ne semblez pas bien mesurer l'effet déstabilisant que peut produire quelqu'un comme vous sur quelqu'un comme moi. Je ne vous suis pas du tout, balbutia Ophélie en toute sincérité. Thorne fit rouler les dés dans la paume de sa main, puis les rangea dans sa poche. « Je ne peux pas tourner le dos un instant sans que vous vous retrouviez là, où vous n'auriez jamais dû être. Je pense que vous avez, comment dire, une prédisposition surnaturelle aux catastrophes. »« Et c'est tout, » insista-t-elle. « Il n'y a rien d'autre ? C'est à cause de ça que vous voulez que je quitte le pôle? C'est à cause de ça que vous vous êtes mis dans tous vos états? Thorn haussa les épaules et se tut, les yeux tournés vers le fin fond de ses pensées. Le silence entre eux fut tel qu'ils n'entendirent plus que les exclamations étouffées des infirmières dans la chambre de Bérénilde et la lointaine musique de valse à travers les fenêtres. Ophélie n'y tint plus. « Êtes-vous fâché contre moi parce que je vous ai repoussé ?»« Non, » répondit Thorn sans la regarder. « Je suis fâché contre moi parce que j'ai eu la prétention de croire un instant que vous ne le feriez pas. Vous avez été très clair, le message est bien passé. Inutile de revenir sur cet épisode également. » Et sur ces mots, il se replongea dans ses réflexions comme dans une eau profonde. Ophélie ne sut plus quoi dire. Elle eut soudain la certitude, sans en comprendre le fondement, que c'était Thorn plus encore qu'elle qui allait au-devant d'une catastrophe. Était-ce lié aux enlèvements, à la mémoire de sa mère, au livre de Farouk, à tout cela à la fois? Le fait est qu'Ophélie avait soudain le pressentiment que Thorn allait finir broyé par une mécanique beaucoup trop forte pour lui, et que c'était de cette mécanique-là, dont lui seul semblait connaître la vraie nature, qu'il essayait coûte que coûte de la tenir éloignée depuis le commencement. « Thorn, contre qui vous battez-vous exactement ?»« Je vous ai fait une promesse, » murmura-t-il comme s'il se parlait à lui-même. « Je ne vous dissimulerai plus rien qui vous concerne directement, tant que je ne serai pas absolument certain qu'il existe un lien entre ce qui vous menace et ce que moi je sais. » Cette promesse sera respectée. » Si Ophélie s'était doutée un instant que Thorn appliquerait le raccord à la lettre, elle aurait employé une autre formule. « Êtes-vous mademoiselle Ophélie ?» Une infirmière venait de surgir dans le couloir avec un plateau. Elle apportait un téléphone dont le long fil se déroulait derrière elle. « Oui ?»« Une communication pour vous, mademoiselle. » Ophélie échangea un bref regard avec Thorn, puis saisit le combiné en laiton qui avait déjà été décroché. « Qui est à l'appareil ?»« Je suis ravi de constater que pour une fois, Petit Potin ne raconte pas de sottises. Vous êtes donc bien au sanatorium, ma colombe. »« Madame Cunégonde ?» s'étonna Ophélie. Thorn décrocha le second écouteur pour suivre la communication et lui fit signe de continuer. « Je peux quelque chose pour vous ?» demanda Ophélie. « Non, non, ma colombe. En revanche, moi, je peux quelque chose pour vous. Retrouvez-moi dans une heure, devant le phare des sables d'Opale. Ce cher monsieur Thorn est évidemment invité, mais évitons les gendarmes et les journalistes. Voulez-vous ?»« Je... Pardon ?» bredouilla Ophélie de plus en plus abasourdie. « C'est que pour le moment, nous ne pouvons pas tellement nous déplacer. »« Dans une heure, ma colombe, je suis certaine que pour rien au monde, vous ne rateriez un rendez-vous avec Madame Hildegarde. » Cunégonde raccrocha. Au même instant, un cri retentissant envahit tout le sanatorium, un cri de bébé, le cri de la vie.